Il existe un village. Il existe un village que nous pourrions peupler, d'un poème, puis d'un autre. Il y aurait de la place.